Kanyangi. Auditrices, auditeurs de la radio Isanganiro, bonjour, voici les grands titres de cette édition. Plus de 10 personnes, toutes des orpailleurs, sont mortes l'après-midi de ce vendredi en commune Mabayi. En province Lumonge, 2 personnes sur 3 accusées d'avoir trempé dans un cas de décès à l'hôpital de Lumonge sont locataires de la prison de Murembwe. En commune urbaine de Mukaza, on vous parlera de certains dysfonctionnements du conseil communal. Un membre de ce conseil communal nous en parlera dans cette édition, mise en onde par Chancela Mugisha Wiman. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Parlons sécurité. Pour débuter cette édition, une dizaine de personnes sont mortes englouties par des eaux de la rivière Rugogo dans la localité de Gafumbegeti en commune Mabayi de la province Chibitoke l'après-midi de ce vendredi lors de grandes pluies. Nicodème Ndahabonimana, administrateur de cette commune, indique que 10 se trouvaient dans une seule fosse alors que 4 autres se trouvaient dans un autre en train d'extraire de l'or lorsque la rivière Rugogo a débordé en portant du sable et du moellon dans ses fosses alors qu'il pleuvait abondamment. L'administrateur de cette commune de Mabayi demande aux orpailleurs de quitter les chantiers lors des pluies abondantes. Page justice, en province Lumonge, 2 personnes parmi les 3 sous interrogatoire du parquet de la République à Lumonge depuis une semaine sur leur probable responsabilité dans un cas de décès survenu à l'hôpital public de Lumonge sont locataires de la prison centrale de Lumonge dite Murembwe. Depuis l'après-midi de ce vendredi, un docteur chirurgien, un chauffeur affecté ce jour-là à l'ambulance sont poursuivis pour homicide involontaire et la non-assistance à une personne en danger, selon des sources auprès de cette maison pénitentiaire. Poursuivons cette édition. Le conseil communal de la commune urbaine de Mukaza vient de passer 6 mois sans aucune réunion pourtant statutaire. Ceci fait que des problèmes dans différents quartiers de cette commune ne trouvent pas solution. Patrice Sabugureba, un des membres du conseil communal de Mukaza, évoque notamment des cas de vol et des chefs de quartier provisoires et autres suivis. Dans sa réunion du 28 décembre 2022, on a constaté qu'il y a un groupe de saboteurs qui sont venus et qui visiblement étaient invités par l'administrateur de la commune Mukaza et qui ont empêché la tenue régulière, ordinaire du conseil communal Mukaza. C'était ça donc l'objectif de l'administrateur? Je ne sais pas si c'était son objectif, mais quand il a amené des gens qui ne sont pas membres du conseil communal et qui ont refusé de sortir sur demande, sur obligation des membres du conseil communal. En principe, le conseil communal délibère quand les concernés dans ces délibérations sont dehors. Le conseil communal ne pouvait pas délibérer, par exemple, sur le cas Mutanga Sud, alors que Nimbona Jean-Pierre, chef de quartier Mutanga Sud, qui était visé dans la réunion, était là-bas même. Alors, depuis ce jour, le conseil communal Mukaza ne s'est plus réuni. Et d'autres cas qui montrent qu'il y a, ça ne va pas, une mauvaise gouvernance, c'est le cas de vol et de banditisme qui s'observe dans les zones de Giza et Nyakabiga. Des hommes en armes blanches qui portent des machettes, chaque fois, ils viennent dans les rues pendant la nuit, ils volent des gens qui passent, qui rentrent peut-être tard, même ceux qui se trouvent dans la maison. Le cas le plus récent, c'est qu'ils ont attaqué le chef de zone Nyakabiga dans son domicile. D'autres situations, c'est que quand le conseil communal Mukaza ne se réunit plus, les chefs de quartier récemment nommés et récemment mis en place provisoirement par l'administrateur de la commune Mukaza restent dans cette situation provisoire parce que la validation doit être faite par le conseil communal Mukaza. Et si le conseil communal Mukaza ne se réunit pas, la validation de ces chefs de quartier ne peut pas avoir lieu et il reste provisoire. Quels sont les quartiers qui ont des chefs provisoires? Notamment le quartier Jabé 1, Jabé 2. Il y a en zone Buiza, il y a aussi 2 quartiers. À Rohero, il y a le quartier Mutanga Sud. Il y a le quartier Kirili Vugizo. Et Nyakabiga, c'est presque provisoire ou pas, parce que la chef de quartier ne réside pas dans le quartier. Vous comprenez que quand quelqu'un, un responsable n'est pas là, son secours n'est pas disponible. Patrice Sabougouheba affirme que tous ces problèmes sont le résultat d'une mauvaise gouvernance dans la commune, avec à la tête l'administrateur communal qui, selon toujours ce membre du conseil communal, devrait s'amender. Il renseigne par ailleurs que la situation est connue au niveau de la primature. Suivez encore une fois Patrice Sabougouheba, membre du conseil communal de Moukaz. La voie de solution a été donnée par son excellence Monsieur le Premier ministre dans sa réunion à Meredo-Bujumbura au lycée Skepes-Nyakabiga en date du 26 janvier 2023. L'administrateur de la commune Moukaz, il doit lui-même s'amender ou démissionner. Il doit être amendé ou conseillé par ses supérieurs, notamment le maire de la ville de Bujumbura. Et cela pour que le conseil communal Moukaza se réunisse encore dans ses sessions ordinaires ou extraordinaires et pour bien gérer la commune. Sinon, la commune ne peut pas être gérée par une et une seule personne, alors que le conseil communal qui a été mis en place par la loi est considéré comme inexistant. À vous entendre, on dirait que l'administrateur communal de Moukaza actuellement, c'est l'auteur de ces problèmes. Visiblement, parce que c'est lui l'exécutif, c'est lui qui doit contrôler tout ça le matin, midi, soir. Alors, c'est lui qui doit donner rapport au conseil communal. Et quand le conseil communal est saboté, qu'il ne se réunit plus, il agit seul. Quand quelqu'un a ses conseillers et qu'il ne les consulte pas, certainement, il va être accusé d'agir mal. Habituellement, c'est lui le secrétaire du conseil communal. Est-ce qu'il a plus de force que le président du conseil? Il a plus de force parce qu'il peut amener des gens qui soient capables de saboter le conseil communal. On ne peut pas encore convoquer notre réunion qui soit sabotée par le même administrateur. Nous continuons à chercher l'administrateur communal de Moukaza. Une affaire à suivre. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Poursuivons cette édition à 13h04 dans le studio de la radio Isanganiro par cette page religion. Sa Sainteté le Pape François vient de confier le diocèse de Bubanza à son Excellence Monseigneur Georges Bizimana, présentement évêque de Ngozi, comme administrateur apostolique jusqu'à nomination d'un nouvel évêque. Ceci intervient en même temps que l'acceptation par le Saint-Père de la renonciation de Monseigneur Jean Nhaguarara à la charge pastorale du diocèse pour raison de limite d'âge. Vous saurez que Monseigneur Georges Bizimana connaît bien le diocèse pour avoir été coadjuteur de Bubanza du 7 décembre 2013 au 17 décembre 2019. Justice transitionnelle à présent, les militants du parti Uprona ne doivent pas porter le fardeau de l'implication de ce dernier dans le génocide commis en 1972. Alors, surtout qu'ils ne sont pas des auteurs. Ceci a été évoqué ce vendredi lors d'un atelier d'échange sur le rapport des réalisations de la commission Vérité-Réconciliation de 2018 à 2022, un atelier tenu en province Kirundo. Léa Pascazi Nzigamasabo, secrétaire de cette commission, demande toutefois aux représentants de ce parti au niveau national d'avoir tout au moins le courage de demander pardon pour ce qui a été fait par ce parti, a-t-elle dit. Le point avec Abraham Safari. Dans cet atelier d'échange sur le rapport des réalisations de la commission Vérité et Réconciliation, certaines questions ont été posées. Ce sont entre autres l'indemnisation des rescapés des crimes commis en 1972. Ici, Léa Nzigamasabo, secrétaire de cette commission, a signalé que l'affaire d'indemnisation est classée en deux catégories, à savoir l'indemnisation collective et individuelle. Nous parlons de l'indemnisation collective et de l'indemnisation individuelle. Concernant l'indemnisation collective, les gens devaient se rendre compte des efforts qui sont en train d'être fournis par le gouvernement du Burundi. En ce qui concerne spécifiquement la construction des routes, la construction des hôpitaux, la construction des écoles, mais aussi cette ouverture qui est donnée à tout le monde de pouvoir entrer librement, après passation de l'examen, entrer librement à l'armée et dans la police, ce qui n'était pas le cas dans le passé. Il y a aussi le deuxième aspect concerne l'indemnisation individuelle. On leur demande ce qu'on peut faire d'eux, bien d'elles, pour qu'ils puissent se sentir à l'aise. Beaucoup de personnes répondent que si la paix est totale dans le pays, Ça, c'est une indemnisation essentielle pour elle. D'autres disent, vraiment, le seul fait de nous écouter, de nous mettre à vos côtés, vous nous valorisez. Ça, c'est une autre forme d'indemnisation. Concernant la qualification du crime de génocide des Hutus et de crime contre l'humanité commis envers les Tutsis et Twa, Léa Nzigamasao précise qu'il y a eu planification de la part de l'État du génocide des Hutus, mais pas des Tutsis. Cette qualification, génocide, pourquoi pour les Hutus? Nous avons constaté que le crime de génocide ne peut pas être commis sans qu'il y ait l'implication de l'État. Et nous avons constaté que les personnes qui ont été tuées, surtout les Hutus, la planification émane de l'État. Les Tutsis et les Hutus qui ont été tués, ils ont été tués par leur père, mais pas l'implication directe de l'État. Une autre question posée est celle de l'implication de l'UPRONA au génocide. Ici, le président du parti UPRONA en province de Kirundo a plutôt demandé l'indemnisation pour le compte du parti, car ce dernier a été détourné et instrumentalisé par les militaires. Le secrétaire de la commission a tranquillisé les membres actuels du parti UPRONA qu'il n'est pas nécessaire de porter ce fardeau du génocide, surtout qu'ils ne sont pas des auteurs. Toutefois, elle demande les représentants de ce parti au niveau national d'avoir le courage de demander pardon. Ça ne vaut pas la peine de ne pas reconnaître ce qui a été fait parce que vous, en ce qui vous concerne, vous n'étiez pas là. Mais aujourd'hui, au moins, il faut avoir ce courage de demander pardon pour ce qui a été fait dans le passé, bien que vous n'étiez pas là. Mais ne continuez pas à nier les faits alors que les faits sont parlants. Madame Léa Nzigamasao a terminé en rappelant tous les Burundais de cohabiter pacifiquement et que ce rapport de la CVR n'est pas là pour raviver la haine parmi les Burundais. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio Isanganiro. Du nord du Burundi, rendons-nous en province Bubanza, où les femmes qui adhèrent aux méthodes de planning familial dans cette province sont évaluées à 29% en taux jugé trop bas par les responsables administratifs et sanitaires. C'est dans ce cadre que le projet Nguriza vient comme une réponse par des sensibilisations et formations qui seront données afin de voir comment rehausser ce taux d'adhésion au planning familial. Selon Dr Joseph Wigilimana, coordinateur de ce projet, il a dit à Bubanza lors des réunions envers tous les partenaires au cours de cette semaine. Le point avec Spes Caritas Kabanyan. Certaines personnes, surtout les femmes, ne comprennent pas l'avantage d'adhérer aux méthodes de planning familial. C'est comme une femme qui a requis l'anonymat que nous avons rencontrée en commune Rugazi, dans cette province de Bubanza. Elle nous a avoué qu'elle ne comprend pas du tout l'importance des méthodes de planification familiale. Âgée de 26 ans, elle a déjà 5 enfants. Et elle nous a précisé qu'elle va continuer à mettre au monde Serine parmi beaucoup d'autres femmes qui ne comprennent pas du tout l'avantage du planning familial. Le projet Nguriza, qui va durer 15 mois et qui est en train d'être mis en application par Accor Burundi et Iprosarid, vient comme une réponse à ces personnes, selon le coordinateur de ce projet. Dr Joseph Wigilimana a précisé que beaucoup de sensibilisations seront données pour les méthodes modernes, mais aussi pour les méthodes traditionnelles, en passant par les confessions religieuses qui vont expliquer à leur tour aux fidèles. Le projet Nguriza s'occupe également de la lutte contre la malnutrition selon les responsables d'exécution. C'est ce qui a été dit à Bubanza lors des réunions avec tous les partenaires. Spes Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique culture. Le tambour burundais joue un grand rôle dans le processus de réconciliation du fait qu'il réunit des personnes de différentes ethnies et religions. Oscar Hanshimirimana, représentant des tambourinaires à Gishora en province de Gitega, qui le dit, indique que le tambour fait entrer des recettes dans les caisses de l'État à travers le tourisme. Il appelle les directeurs des écoles à sensibiliser les élèves d'aimer le tambour burundais. La chronique culturelle avec Jean-Marie Vianney Ngendakoumane. Le tambour burundais est l'un des outils qui contribue beaucoup à la promotion de la culture burundaise et joue un grand rôle dans le processus de la réconciliation. Explication d'Oscar Chimimana en tête de tambourinaire de Gishora. S'il s'agit de rassembler les populations, que ce soit celles de religions différentes, que ce soit celles d'opinions différentes, le tambour joue un rôle important. C'est un patrimoine qui rassemble tout le monde parce que le tambour reste impartial. En battant le tambour, on ne prend jamais une position au détriment d'une autre, puisque le tambour est un patrimoine national, il rassemble tout le monde. Il ajoute que les étrangers aiment beaucoup le tambour burundais. Beaucoup de touristes étrangers viennent contempler le tambour burundais du fait que nos tambours diffèrent de ceux des autres pays. Nous ne pouvons pas dissocier le tambour et le pays. Le Burundi, c'est le tambour. Certains ne comprennent pas ce que nous voulons insinuer en parlant du tambour. Son représentant des tambourinaires de Gishora fait savoir que le tambour fait des rentrées dans les caisses de l'État à travers le secteur du tourisme. Le tambour développe l'économie du pays parce que les touristes qui viennent contempler le pays, la culture burundaise, ils laissent chez nous des devises, ils fréquentent des lieux différents, des hôtels. L'argent laissé de telle manière contribue dans le développement du pays. Oscar Shimirimana appelle la jeunesse burundaise à s'intéresser au tambour. Il demande également au directeur des écoles de faire aimer le tambour aux élèves et écoliers. Quant au ministère et à la culture dans ses attributions, il lui demande de soutenir les tambourinaires burundais en organisant beaucoup de concerts culturels. Jean-Marie Vianney Ngendakumana, clôturant cette édition par cette brève en international au Cameroun. Le président Paul Biya, nommé par décret ce vendredi 31 mars au soir, les 30 sénateurs manquants pour composer la nouvelle chambre haute du Parlement. Les 70 autres sièges ont été pourvus à l'issue des sénatoriales du dimanche 12 mars, remportées intégralement par le parti au pouvoir. Parmi les nominations de ce vendredi, le président sortant du Sénat, qui est reconduit à son poste de sénateur, l'homme de 88 ans, préside le Sénat depuis que l'institution existe. Et parmi les nouveaux noms de ce Sénat, totalement acquis au chef de l'État camerounais, a noté Manuel Chatué, PDG de la chaîne de télévision Canal 2 International, et Seydou Mbombo Njoya, ancien président de la FECA Foot. Voilà, à 13h15 dans les studios de la radio Isanganiro. Ainsi s'achève cette édition de cette mi-journée du 1er avril. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à Chancelier Mugisha Wimana qui a assuré la mise en onde tout de suite après cette édition. La revue de presse avec Jean Bosco Nduwimana. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir. Les devises introuvables sur le marché parallèle, constate le journal Iwachu, qui ajoute que, selon certains cambistes, c'est la panique du côté des grands magnats depuis la menace d'un probable changement de billet annoncé par le président de la République du Burundi. Ils convertissent en devises tout leur montant en frambou, écrit ce confrère. Et Burundi Echo de marteler sous ce titre « Le marché noir se noircit davantage ». En effet, explique-t-il, la pénurie de devises frappe de plein fouet l'économie nationale. Le marché de change s'affole avec des taux de change records. Un seul dollar vaut plus de 4000 francs burundais sur le marché noir. D'après Léonce Ndikumana, professeur émérite à l'Université de Massachusetts, basée aux États-Unis, cité par son confrère, la réforme du marché de change est à la fois un exercice technique, politique et institutionnel. L'expérience a montré que le marché de change ouvert et concurrentiel, avec la participation de la BRB et des banques commerciales, a contribué à éliminer la prime du marché parallèle. Cependant, nuance cet économiste, À l'heure actuelle, ce marché concurrentiel est impossible sans une augmentation des rentrées en devises. Dans l'immédiat, suggère-t-il, toujours dans les colonnes de cet hebdomadaire socio-économique, il faut cueillir les fruits à portée de main, notamment l'aide publique au développement. Le gouvernement doit améliorer sa capacité d'absorption des financements parce que les bailleurs de fonds tiennent compte de la capacité d'absorption d'un pays. Les retards dans le démarrage des projets de développement n'encouragent pas les autres partenaires à financer le développement, fait remarquer cet économiste toujours dans les colonnes de l'hebdomadaire Burundi Echo. Une éducation financière à travers les groupements communautaires Nawenuze rapporte la voix de l'enseignant. L'approche Nawenuze se fonde sur la création d'associations villageoises qui encouragent les gens à épargner ensemble et procéder ensuite aux emprunts mutuels, souligne ce journal. Ces associations, qui sont entièrement gérées par les villageois eux-mêmes, permettent aux pauvres d'avoir accès à un capital. Dans certains cas, note cet hebdomadaire de l'éducation, elles conduisent à l'établissement de petites entreprises et à l'autonomisation de la femme. Revue de la presse. Bientôt, une usine de transformation des avocats en commune Wusiga de la province Ngozi annonce l'agence burundaise de presse. En effet, détaille l'ABP, le président de l'association dénommée Entreprise de transformation agroalimentaire affirme dans les colonnes de ce quotidien qu'il dispose déjà d'un champ modèle très vaste sur la colline Kididiri de la zone Mihigo en commune Wusiga et d'un terrain pour monter cette usine dans la zone Maramirundi de la commune Wusiga. C'est là où on enregistre beaucoup de plans d'avocatiers, dit Marc Manirakiza, qui ajoute qu'avec ses associés, ils ont visité les pays voisins et même ceux de l'Europe. Ils ont découvert beaucoup de vertus sur cette culture. L'avocat peut donner de l'huile à manger ou même du lait de beauté. Il donne aussi des liqueurs de qualité, rapporte toujours l'agence burundaise de presse. Comparution ce vendredi de la journaliste Floriane Irangabiye, rapporte Net Presse. La cour d'appel de Mukasa, dans le cadre de l'itinérance, a fait le déplacement de Muyinga où elle est incarcérée. Ce journal rappelle que cette dame a été arrêtée en août 2022 à Bujumbura, alors qu'elle est rentrée du Rwanda voisin, où elle vivait en exil depuis 2015. Au début de cette année, elle avait été condamnée à 10 ans de prison par le tribunal de Mukasa. Officiellement, Floriane Irangabiye est accusée d'avoir porté atteinte à l'intégrité du territoire national. Des associations de défense des droits humains, tant nationales qu'étrangères, gardent l'espoir que la situation se décantera très rapidement, car le numéro 1 burundais est favorable à la presse plurielle et indépendante, souligne Net Presse. Ce quotidien en ligne rappelle qu'au lendemain de son investiture, il avait rencontré les responsables des médias pour leur parler de sa conviction « Jamais sans les médias ». C'était le 28 janvier 2021, dans les enceintes de l'hôtel Kiriri Garden. Un peu plus tôt, le 24 décembre 2020, il avait procédé à la libération de 4 journalistes du groupe de presse Iwachu. Rappelle encore ce confrère. Ainsi se referme cette revue de presse Jean Bosco Ndouimana. Restez branchés sur nos ondes. Revue de la presse.